C'est de la merde. L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Bonsoir, vous êtes sur Alternante et vous écoutez le magazine Libertaire. On vous rappelle que vous pouvez contacter donc le magazine Libertaire au 02 40 93 26 62. Si vous souhaitez nous écrire par internet maglib@boom.org, autrement nous réécouter sur le site, c'est https://maglib.boom.org. Voilà, c'est ça. Et autrement, on vous rappelle qu'Alternante est une radio associative qui a besoin de ses auditeurs et auditrices. Voilà, ça et c'est on dit. On ne dit jamais, mais vous pouvez aussi nous écrire par courrier si vous avez envie. C'est vrai. À Alternante, au magazine Libertaire à Alternante. 56 Boulevard des Poilus. 56 40, Boulevard des Poilus. Oui. 44 300 Nantes. Voilà. Donc, ça c'est dit. Donc, nous recevons ce soir Margot. Qui nous parlera sur différents aspects de la Turquie aujourd'hui, de ce qui s'y passe ou de ce qui est en train de s'y passer, notamment sur la question du référendum. On essaie de faire un bilan provisoire pour l'instant de ce qui se passe en termes de répression là-bas, bref, tout un tas de choses. Avec aussi un entretien que tu as réalisé pendant ton séjour, donc on reviendra par rapport à tout ça. Donc ça c'est la première partie sur la Turquie. Ensuite Martin nous lira un petit texte dont il a le secret, petite revue de presse foutraque, voilà, et nous terminerons par des annonces des environs, voilà. Donc écoute, on va commencer avec toi Margot. Avant de passer le son qui dure à peu près 17-18 minutes, je vais te laisser introduire ton petit travail de présentation du contexte turc. Et après, donc, on reviendra sur le son et avec des informations complémentaires par rapport à ce qu'on aura entendu. Voilà. Donc, à toi. Entendu. Du coup, pour un petit rappel des événements qui se sont passés, parce qu'en 2 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La Turquie est actuellement gouvernée depuis 2002 par l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement. qui se définit comme un parti populaire démocrate conservateur et qui a pour président Recep Tayyip Erdogan. Et donc ce parti avait la majorité parlementaire jusqu'aux élections législatives de juin 2015, où il perd cette majorité au profit d'un autre parti, le EDP, le Parti démocratique des peuples, et qui est un parti de tendance gauche qui veut représenter la société turque dans sa diversité. Donc ce parti va obtenir 12,96% des votes, soit 80 sièges sur 550 dans l'Assemblée. Et alors il a été avancé par certains journalistes que ce résultat pouvant bloquer le projet de réforme constitutionnelle que l'AKP avait déjà, souhaitait déjà à cette époque, qui vise à établir un nouveau régime présidentiel et donc renforcer les pouvoirs du président, ne pouvait pas être accepté par le Parlement s'il n'obtenait pas 2/3 des sièges. Et donc depuis, ce régime a été accepté par l'actuel gouvernement. Enfin, quoi qu'il en soit, on ne sait pas pourquoi, mais pour des raisons d'organisation ou parce qu'il n'était pas content des résultats ou n'arrivant pas à une coalition, le président a demandé la tenue de nouvelles élections le 11 novembre de la même année, des nouvelles élections où il va récupérer sa majorité. Donc, il faut savoir qu'entre ces deux tours d'élection, les élections ont été mises à mal par un contexte politique où, en 5 mois, il y a eu 2 grands attentats qui ont provoqué la mort de 136 personnes et blessé 600. Une à Pirsous, Suruç, et une autre à Ankara. Mais aussi la rupture du processus de paix avec le Kurdistan en juillet. Suite à ça, le gouvernement a mené des expéditions punitives dans la région de Bakur, au Kurdistan turc. Et donc dans 180 villages, il y a eu des sièges qui ont provoqué des morts, des déplacés, des interdictions de circuler. Ça a eu un impact sur les élections dans la mesure où beaucoup de personnes qui ont voté pour ce parti-là, le EDP, étaient dans ces régions-là. Et donc c'est pour ça que j'utilise le terme d'expédition punitive. Donc par exemple, le 22 septembre 2015, le conseil électoral du district de Gizre, de la province de Şırnak, informe la sous-préfecture du district qu'en raison de la réalité sécuritaire, la tenue des bureaux de vote ne sera pas réalisée dans 3 quartiers, Tchoudi, Nour et Soul, où résident 65% des électeurs. Donc, faut savoir que pendant ces couvre-feux, parfois la population était interdite de sortir de chez elle. Donc, on peut comprendre que tous ces éléments ont facilité les nouveaux résultats et donc ont permis à Erdogan de récupérer des sièges au Parlement. Donc de sa victoire s'ensuit une guerre quasi permanente contre les populations du Kurdistan, région Bakour. Le coup d'État manqué du 15 juillet, attribué aux gulenistes, et une augmentation de la répression qui commence à toucher toutes les catégories sociales de la population. Donc cette interview, il a été réalisée le 7 février. Et le même jour était voté un décret licenciant 4664 employés du secteur public. On a eu l'information après, s'ajoutant aux précédentes qui avaient déjà réduit 450 000 personnes au chômage. À cela s'ajoutant 12 parlementaires du EDP qui étaient détenus, ainsi que 1473 de leurs membres, EDP et BDP. 74 commères arrêtées. Enfin, les commères, c'est le principe d'un gouvernement avec 2 maires, un homme et une femme. Et donc, ils gouvernent à 2, pas une seule personne. Et en fait, leur immunité parlementaire avait été retirée le 16 mai. Et du coup, ça pouvait permettre de poursuivre en justice des personnes qui n'étaient pas poursuivables. Et cette immunité parlementaire n'a été enlevée qu'aux personnes du EDP. Parce qu'il y avait d'autres personnes en fait qui étaient poursuivies dans les autres partis et qui n'ont pas eu de suite là-dessus. Donc, le gouvernement leur avait supprimé la gouvernance de 103 municipalités et nommé un curateur pour 63 d'entre elles. Donc, quelqu'un d'autre qui est décidé par le gouvernement, qui va être envoyé pour tenir la mairie ou le poste qu'ils occupaient. 1500 associations avaient été fermées. 180 organes de presse, journaux, radios, télé avaient été sous-scellés. 17 862 internautes étaient poursuivis. Et il y avait aussi, en fait, dans la réalité, il y a 668 774 dossiers d'ouverts où ils font des enquêtes qu'ils veulent poursuivre. 2000 juristes avaient été jugés, 443 cinéastes. Pour 443 cinéastes, des enquêtes avaient été ouvertes. C'est des cinéastes qui avaient produit une pétition de solidarité pour la paix, comme les universitaires pour la paix. Et bien sûr, ces quelques chiffres ne reflètent pas la réalité. On va revenir après l'entretien qu'on va vous passer. Alors, on va vous passer l'entretien d'une stambouliote qui s'appelle Eylem, qui est une femme trans de 35 ans, et sociologue et traductrice. Alors du coup, j'aimerais commencer par remercier du coup Eylem pour le temps qu'elle m'a accordé, et puis aussi pour son courage d'avoir témoigné dans le contexte de répression actuelle qui est réel. Donc on passe au son, on vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve tout de suite après. Alors, comment on en est arrivé à la situation actuelle en Turquie ? Est-ce qu'on peut associer ça avec premières élections et le fait que le HDP ait gagné une grande partie des places aux premières élections, ou au début de la guerre au Kurdistan, ou plutôt au coup d'État du 15 juillet ? Ok. C'est une bonne question de poser cette question comme ça. C'est une expression très chic et très droite. C'est plutôt, je pense, au début des années 2000, et on a vécu une démolition sociale et économique. Et on a choisi un gouverneur général pour la Turquie. C'est le pouvoir global par cette délégation. Et Tayyip Erdoğan est ce type de personnalité. On a choisi un gouverneur général, parce qu'on a vécu une démolition sociale, et économique et politique. Tout le système est démoli. Et on a vécu un progrès. On a vécu un progrès économique et politique, et la société a aussi gagné un peu de force. Et la réussite du parti HDP, le parti du droit des peuples, la réussite de cette partie est un peu l'expression de cette force. Oui, la société a un peu gagné de force économique, sociologique, et on a, grâce à l'internet et de mouvements sociaux, on a une base démocratique aussi. Et cette partie a gagné une réussite au résultat de toutes ces choses. Et Monsieur Erdoğan a commencé à penser: je peux pas gouverner et manipuler cette société comme au début. Et ils ont provoqué la guerre aux régions des Kurdes. Ils ont mis des bombes aux manifestations des syndicats. Pas le parti kurde, hein. Aux manifestations des syndicats, ils ont mis des bombes. Ils ont mis des bombes aux élèves, aux étudiants socialistes. D'une universitaire. En quelle année? Ah, ça fait pas beaucoup de temps, c'est deux années. En 2015, il a vu son réussite en élection. Et à Bombadiyarbakir. À Ankara. Et ils ont mis des bombes sur les étudiants socialistes à Suruç. Ils ont fait beaucoup de provocations pour terroriser la société. Et ils ont dit cela: sans moi, vous allez vivre chaos. Ils ont donné ce message à la société. Et enfin, ils ont fait encore une fois, les élections de 2015, ils ont gagné un peu plus de pouvoir. Mais ça ne les satisfait pas. Parce que la société n'est pas la société au début. Il y a une nouvelle structure. Mais l'esprit d'État est très démodé, très archaïque, a resté archaïque. Et ils ont trouvé cette provocation de coup d'État. Les gens pensent que c'est comme ça. Aussi, il y a des articles en étranger. Aussi, il y a des analyses chez nous que il y a beaucoup de points d'interrogation sur cette, sur cet attentat d'État. Mm. Moi aussi, ça me vient aussi un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Oui. Que ça serait l'AKP plutôt qu'on aurait organisé ou que ça, qu'il aurait été au courant de ce qui se passait et qu'il l'aurait utilisé. Oui, pour un peu gagner de l'égalité, parce que ils ont commencé une répression. Mm-hmm. Pour légaliser cela, ils ont une excuse. On m'a fait un coup d'État et je dois nettoyer cela. Ils ont une grande excuse. Et selon toi, ce serait plutôt l'AKP qui aurait mis en place ce coup d'État ou ça aurait été, il l'aurait su, il l'aurait appris, mais il l'aurait utilisé en fait, à leur avantage? Pour moi, je suis sociologue et je regarde beaucoup de fois ce type de choses, à provocation des guerres, provocation. Je pense que ça fait longtemps ce type de choses. La guerre Irak, les provocations en Syrie, les provocations chez nous. Et notre État peut faire ce type de choses. Hein. Et j'ai vu beaucoup de choses graves. Je ne veux pas faire détailler cela. Et j'ai aussi des points d'interrogation en moi. Je vois que c'est un jeu de rôle. Et il n'y a pas un procès judiciaire transparent. Oui. Ils ont mis en place un état d'urgence aussi et qu'ils utilisent ça pour justement pas avoir de transparence. Voilà maintenant. Ils n'ont pas commencé même le procès de cette scandale. Ils ont directement. Les dossiers à temps. D'accord. À remplir. Mais ils continuent d'arrêter. Oui. Ils continuent à arrêter les journalistes, ils continuent à arrêter la partie des droits de peuple. De l'EDP, ils mettent à la porte les académiciens parce qu'ils ont une base origine gauche. Ils utilisent cela comme une opportunité pour écraser l'opposition. Personnes d'arrêter des milliers de personnes et les dossiers atteints, ils n'ont pas rempli les dossiers, les dossiers de délit, les dossiers de crime. Ouais. Ils trouvent d'abord les coupables et ils vont le crime. C'est pas la méthode judiciaire. On dit d'abord le crime et ensuite on trouve les coupables. Il faut faire attention à cela. Il y a eu un représentant du EDP qui a vu son nom comme ça inscrit, annoncé aux informations, avant d'avoir été arrêté. il a vu inscrit aux informations qu'il se faisait arrêter alors qu'il n'était pas encore arrêté par la police. Ah oui. Mmh. Il prend ses nouvelles, appelle à peu. D'abord en service, au télé, au journaux. Après, la peuple commence à penser que tu es terroriste et tu passes à défense. Non, je ne suis pas terroriste. Tu commences à t'expliquer. Ils utilisent cela. Tu as raison. Et ils ont fermé aussi la plupart des télés. Ils ont fermé les associations. Oui, plein de journaux, ils ont fermé. Plein de télévisions indépendantes, ils ont fermé. Oui. Est-ce que les gens, quand ils peuvent passer en procès, par exemple, les journaux qui ferment, les télévisions qui ferment, pour réouvrir, c'est pas possible. Je pense qu'il y a des activistes, des gens qui cherchent leur tour dans les corridors des tribunaux. Oui. Oui. C'est pourquoi le débat, la lutte aussi continue. Mm-hmm. Et il ne faut pas fermer les yeux, les oreilles aux problèmes de démocratie de Moyen-Orient. Il faut un peu montrer la solidarité internationale. Et justement, j'envoie les saluts à notre frère et soeur français. Et justement, les solidarités qui s'exercent ici et les formes de résistance à ce qui se passe actuellement, elles prennent quelle forme? Les gens, après la bombe d'Ankara, ils ont mis une bombe aux manifestations de paix à Ankara. C'est un peu difficile de créer une mobilisation de rue très vivante. Oui, les gens sont un peu terrorisés. Mm-hmm. Mais ils ont fait une proposition de nouveau, faire un référendum pour le système présidentiel. On pose à la société, vous dites oui ou non au système présidentiel, mais avec des pouvoirs très forts pour le président. Oui, est-ce que ce système présidentiel, il va supprimer l'Assemblée qui décide avec le président? Oui, c'est plus qu'un système totalitaire. Il y aura un référendum, il y a une campagne forte pour ce référendum, et les gens devinent que, moi aussi, je devine cela, les votes non vont La plupart des gens vont voter. Des gens. Ils font des manipulations de votes. Ils jouent avec un ordinateur les chiffres. Ah, ils peuvent truquer les... Oui, ils veulent inverser. Comme il y a deux choix, c'est plus facile de faire ce type de manipulation. Ouais, tu vas jouer avec seulement les deux chiffres. Tu vas tourner l'inverse. Mm-mm. J'ai des soupçons sur ce sujet. Chez nous, on triche trop sur les élections. Comme c'est un pays de périphérie, de tiers-monde, oui, vous savez, même ils n'acceptent pas les règles du jeu, partent de un monde. Et là, ça changerait quoi si donc le oui sort au référendum? Erdogan va avoir tous les pouvoirs de faire ce qu'il a envie. Ça veut changer beaucoup de choses aussi à la vie ici. Tout en résumé, je peux dire cela. La moitié de la société va dire à Erdogan, tu peux faire ce que tu veux à l'autre moitié. Ah. C'est... ce qu'il avait décidé. C'est le fascisme banal. Vous savez? Donc ça peut tourner en guerre civile. Voilà, en guerre civile. Côte à côte. L'autre moitié de société va donner une grosse permission au pouvoir pour nous, pour écraser la société démocratique, la société gauche, la société laïque, la bourgeoisie moderniste, même les Kurdes, les Alevis, et... vous savez? Ouais. Ça, c'est une banage. On peut vivre. C'est le scénario plus pessimiste. Mais on a vécu ce type de choses chez nous. Ça commence à de massacres des Arméniens, vous savez, ça, on a vécu des massacres sociaux contre les Turcs, contre la gauche, contre les Alaïs, une minorité religieuse. C'est un gars, il veut transformer la société en une nation de Turcs et musulmans. Tu sais, une société avec toutes les couleurs, toutes les richesses, ils veulent oppresser cette richesse à deux catégories. C'est la synthèse de Turc et Islam. Mais après, est-ce que... Parce que là, Erdogan, avec son référendum, dans la képi, il y a des gens qui sont contre son nouveau programme. Ah oui, oui, il y a une dynamique sociale aussi. Et c'est pas de diviser aussi ses propres forces et... Oui, ils ont un risque. Ils ont un risque de... Oui, il y a un risque très fort. Il y a des choses qui nous donnent aussi l'espoir. La jeunesse, les LGBT, il y a une culture démocratique ici, un procès de lutte. Oui. Des syndicats, un mouvement de femmes a gagné en force dans les années 2000. C'est les côtés avantageux et positifs de la société, mais... C'est le côté qui fait peur à... Oui. Il y a toujours un facteur de peur chez nous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'envoie des saluts à France. S'il vous plaît, ne fermez pas les yeux, les oreilles sur le problème de démocratie de Moyen-Orient. Et comment est-ce que, selon toi, tout ça... Le problème, c'est votre problème. Oui, c'est lié. D'ailleurs, nos présidents donnent de l'argent à Erdogan et participent à ça complètement. Ah oui, on entend ce type de choses. Mais dans tout le monde, pas à Moyen-Orient, des figures de leaders sociopathiques. Sarkozy, Trump, Bush, c'est un mode de temps. Il faut résister à cette mode de temps et il faut résister à ce type de leader psychopathique. Je suis d'accord. Et comment, selon toi, peut s'exercer des solidarités, par exemple, avec la Turquie, solidarité internationale avec le Moyen-Orient? Et un grand général pour l'Afghanistan, pour l'Irak, pour Syrie, pour Libye. Il y a des grands crimes de guerre là-bas. Je pense qu'on peut commencer de cela. Les syndicats européens doivent faire un grand général pour la paix de là-bas. Ça peut être un commencement. Ben, merci beaucoup. Oui, je finis avec des grands mots. On est de retour dans l'émission du magazine libertaire sur Alternante. On avait prévu de faire une petite pause musicale, mais peut-être c'est pas... Ah si, c'est le temps de... De caler, de c'est ça. Changer les manettes. Cabinet du docteur Fanon. Ouais, bonjour docteur, je vous appelle là pour prendre rendez-vous, là c'est assez urgent. Bah qu'est-ce qui vous arrive? Bah j'ai des réactions toutes bizarres là, je crois que j'ai vraiment chopé un sale truc. Un virus, ça vous chatouille, ça vous gâteauille, c'est ce qu'il faut dire. En empire que la gage, le virus hexagonal, la fièvre coloniale, le sexisme et libéral, allergique aux musulmans,

qui ont un club de folklore. Et donc cette chanson, elle a déjà dû être utilisée sur d'autres mouvements sociaux, parce qu'il y a d'autres collectifs qui la chantent aussi. Et là, qui l'ont aménagée pour, par rapport à ce qui se passait, les licenciements de leurs professeurs et l'arrestation des étudiants et de leurs camarades. Et du coup, j'ai rapidement, la chanson a dit la science est prisonnière. Le savoir est prisonnier. À Bakirkeuil, mon prof est prisonnier. Mon crayon est prisonnier, mon livre est prisonnier. Les étudiants sont prisonniers, enfermés. Les mots sont prisonniers, les idées sont prisonnières. Les droits sont prisonniers. Nous sommes prisonniers, nous aussi, sur notre propre campus. Nous sommes venus te chercher, professeur, mon professeur. Nous sommes venus te chercher toi, nous sommes venus te chercher mon ami, nos corps sont enfermés. Bon, c'est rapidement, et après je m'excuse aussi pour les traductions qui ne sont pas très très bonnes, parce que je n'ai pas un niveau assez élaboré pour faire des traductions correctes. La seconde musique, il vient d'un collectif où j'ai trouvé aussi la vidéo sur internet, qui était un montage son image qu'ils ont réalisé par rapport à la campagne présidentielle. J'aurais pu aussi passer celle du EDP, mais elle n'était pas encore sortie au moment où j'ai fait le montage, parce qu'il y a eu énormément de gens qui, en fait, elle s'est fait interdire, et puis donc des gens qui la chantaient ou la passaient se faisaient arrêter. Mais bon, voilà. Donc, je vous ai proposé celle-ci, qui est d'un collectif qui s'appelle Atelier Musical. Et donc, ils ont repris une vieille chanson de pop et on met des nouvelles paroles. Donc, quel est ce pays, mon frère, ma sœur, où tout le monde se vole mutuellement? Quel est ce pays ici? Autant de corruption, nous savons pourquoi. Pour que les bateaux soient possibles pour certains. Ça, c'est un clin d'œil à des affaires de corruption qu'avaient eu lieu les années d'avant. Quoi, la présidence voudrait cette faveur? Quoi, une nouvelle constitution? Toi aussi, dis non au dictateur, les beaux jours sont proches. Quel est ce pays, mon frère, ma sœur, où tout le monde est guléniste? Quel est ce pays-ci, mon frère, ma sœur? Sommes-nous tous, nous aussi, ridicules tout comme eux, même dans la douleur? Quelle est cette oppression, mon frère, ma sœur, qui vient de toutes parts? Quel est ce pays-ci, mon frère, ma sœur? Allez, toi aussi, dis non à la dictature, que ces oppressions trouvent une fin. L'université défile ensemble, vers la lumière des lendemains. La sororité et l'est de ce pays, nous les construirons tous ensemble. Tout ensemble. Et donc, oui. Et donc, je voulais revenir sur les chiffres, parce qu'en fait, j'avais essayé, ou j'avais envie d'avoir une idée de combien il y avait de personnes arrêtées, combien il y avait de personnes en garde à vue, combien il y avait eu de personnes mortes, combien il y avait de personnes combien il y avait eu de fausses couches. Il y a énormément, ça va très loin. Mais je n'ai pas trouvé et d'un côté c'est très difficile d'avoir ces chiffres là parce que ça va très très vite. Tout à l'heure, les chiffres que je vous ai donnés, ils dataient du 17 janvier et par exemple le 21 janvier, donc 4 jours après, il y a 367 nouveaux licenciements. Le 7 février, 4464. Ça va tellement vite que c'est difficile de suivre, et pour les gens donc, qui font ces chiffres, d'enregistrer toutes les informations, d'avoir toutes les informations. Et donc même pour les arrestations, c'est pareil. C'est très dur de trouver des chiffres dessus. Et en tout cas, des chiffres ils sont changés le lendemain, parce qu'en fait, il y a des arrestations le lendemain. Il y a un chiffre qui circulait, c'était plus de 100 000, c'est ça? Mais oui, certainement. Mais en fait, du coup, voilà, c'est le deuxième point où je voulais en venir. C'est que, donc, il y a des organisations, des gens qui essayent de faire ça, qui essayent de faire des listes, et c'est chouette, comme il existe une liste assez précise pour les journalistes, mais c'est un travail de fourmi et c'est pas forcément facile pour toutes les personnes de le faire, notamment les personnes qui sont pas organisées, qui n'ont pas un syndicat d'enseignants, qui n'ont pas un syndicat de journalistes derrière elles, et du coup qui vont pas forcément entrer dans ces statistiques. Donc c'est pour expliquer, c'est juste une partie émergée de l'iceberg. Donc le deuxième point où je voulais en venir, c'est que ça tient surtout peu compte. Enfin, le EDP essaie de le faire un peu ça, mais il est très limité dans ses manœuvres par le gouvernement d'avoir des chiffres également sur la situation au Kurdistan où des milliers de familles ont été déplacées, les maisons ont été détruites, les écoles fermées, la destruction des cultures agricoles, du bétail. Le nombre d'humiliations, parce qu'il y a des gens qui sont qu'on force à se déshabiller pendant les arrestations collectives. Enfin, donc on arrive à obtenir aucun chiffre officiel, à part via donc ce parti-là, et qui lui-même a du mal, même des morts et des blessés, dans la mesure où toutes les opérations qui sont menées dans les villes et villages kurdes sont cachées. Le gouvernement coupe les routes, les moyens de communication terrestre. Il interdit la circulation à certaines dates données. Des fois, ça peut être sur plusieurs jours d'affilée. Des fois, ça peut être sur plusieurs mois d'affilée. Des fois, ça peut être sur plusieurs mois. Il dit qu'il a levé le couvre-feu, mais que le couvre-feu est quand même maintenu, par exemple, de 22h à 5h du matin. Et des fois, ils coupent l'accès à Internet. Des fois, des personnes se sont retrouvées à pas pouvoir téléphoner. Alors, il doit couper, je ne sais pas comment, donc la communication aussi téléphonie mobile ou fixe. Et donc, c'est les seules statistiques qu'on a officielles apparaissent sous la forme en fait de chiffres au journal télé qui évoquent le nombre de terroristes tués. Sauf que ces terroristes tués, il y a certains villages, comme récemment, où on s'est aperçu que, enfin, qu'il y avait aucun, il n'y a pas forcément de soit le PKK, les jeunes qui protègent, enfin les IPG, dans le village. Pareil, pendant un moment, le gouvernement disait que les habitants, les jeunes, construisaient des tranchées, donc c'est qu'ils étaient organisés, donc c'est qu'ils s'opposaient, enfin ils ne voulaient pas collaborer, etc. Mais il faut savoir qu'avec l'histoire qu'il y a derrière, et ça, c'est quelque chose d'assez régulier, enfin, les massacres de population dans les villages, il y a beaucoup de gens, ben, quand ils voient les tanks venir, effectivement, ils font des tranchées, ils font des choses pour se protéger, quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas attendre de venir juste se faire massacrer. Et en fait, les terroristes, ce sont des qualifiés de terroristes. Mais c'est surtout que ce sont des opposants. Ça peut être, en fait, ça peut être des gens du BKK, mais ça peut aussi être des civils, ça peut être aussi. Ils ont bon dos, quoi. Des gens qui ont juste essayé de se protéger de la vie, ou parfois, ça s'est arrivé. Il n'y a aucune. Parce que justement, cet argument a été démonté récemment, où à un village, il n'y avait aucune tranchée qui avait été construite. Et ils sont venus et ils ont quand même assassiné des gens. Et enfin, ils ont quand même fait des arrestations. Et enfin, bref. Et donc, du coup, les moments où les délégations du EDP ont essayé d'avoir accès aux villes, en fait, ils ont essayé à un moment donné plusieurs fois d'utiliser leur statut de maire ou de parlementaire pour essayer d'avoir accès à ces villes, de comprendre ce qui se passait, de comprendre pourquoi il y avait un couvre-feu, etc. Ils ont été, en règle générale, soit lacrymogés, soit arrêtés 15 km avant. Et donc, ils ne pouvaient pas avoir, pendant l'opération, avoir avant ce qui s'y passait. Les courriers adressés au gouvernement restant sans réponse. Enfin. Et les journalistes sont interdits. Il y a des journalistes qui ont accédé. Il y en a qui sont morts, comme à Djesré. C'est assez compliqué de, du coup, d'avoir des infos par des journalistes. C'est pour cacher en fait, ce qui se passe. En fait, c'est ça. C'est ça. On atteint les journalistes. Personne ne peut voir, ne peut rentrer dans les villes, comme tu dis. Enfin, oui. On n'a pas. Il y a des personnes qui s'arrêtaient. On sait non, qui sont fait arrêter. On ne sait pas. On sait pas qui. On ne sait pas combien. Il n'y a pas de. Oui, c'est. Il y a une difficulté d'avoir des informations. Et effectivement, je pense que c'est comme tu dis, la communication aussi fait que c'est peut-être aussi pour éviter peut-être un mouvement plus vaste ou une solidarité ou quelque chose qui prend de l'ampleur contre le gouvernement actuel. Oui, ou de faire connaître en fait les actes du gouvernement oui, qui aussi, lui a une propagande. Oui, à l'extérieur, enfin dans le pays et puis à l'extérieur aussi. Dans tous les cas, quand on veut faire des exactions tranquillement, c'est la méthode qu'on utilise. Quoi. C'est, on ne fait pas autrement. C'est ça. Et du coup, les informations qui viennent aussi viennent beaucoup par les personnes, en fait, les individus, qui, quand ils ont accès ou à Internet ou au téléphone, préviennent, ou leur famille, ou les médias, essayent de prendre des photos de ce qui se passe, comme ça s'est passé, enfin, par exemple, le meurtre d'Agil Lokman-Birlik en octobre 2015, qui a été, dont le corps a été traîné par les camions ou tanks des forces spéciales. Ça s'est su parce que des gens l'ont relayé sur les médias sociaux. Et donc ça, c'est possible dans la mesure, quand les personnes disposent donc de l'accès à Internet ou au téléphone. Après, il y a des journalistes indépendants aussi qui donc essaient de relayer des informations, notamment le journal féministe Shujin, qui est un ancien journal qui avait été fermé en octobre 2016 sous le nom de Diha. Et qui font un important travail de collection de données et puis de récolte d'informations. Voilà. Et du coup... Pardon. Et peut-être, on peut, je ne sais pas si tu veux en parler, mais on peut dire que si, enfin, en Turquie, là, c'est l'état d'urgence et que tout, enfin, ça légitime aussi des pratiques, les pratiques que tu viens dénoncer, en fait. Oui, c'est, il y a un état d'urgence depuis le 15 juillet et la tentative de coup d'état manquait. Après, il y avait déjà ces pratiques-là avant. Mais l'état d'urgence, en fait, permet, dans une certaine mesure, de ne plus suivre la procédure judiciaire telle qu'elle est censée être appliquée. Permet également, du coup, des arrestations plus facilement, des prolongations de garde à vue. Et il y a eu aussi d'éditer, dans la même lancée, qu'on appelle ça une loi disant qu'il y avait la possibilité pour les Turcs qui allaient à l'étranger, s'ils étaient appelés à un procès en Turquie, en fait, on leur retirait leur nationalité s'ils ne venaient pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui découlent de cet état d'urgence. Moi, je n'ai pas, par contre, toutes les connaissances pour en parler là, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont pratiquées actuellement qui découlent de ça. Et notamment le fait de ne pas tenir compte aussi pour le gouvernement, s'autorise à ne pas tenir compte de déjà faire des choses qui sont contre la Constitution dans leurs arrestations, dans leurs procès, ça revient régulièrement et ça ne permet pas forcément de bloquer la procédure. Et donc, pour ce référendum, je voudrais revenir, dans 3 jours, va se tenir donc ce référendum pour la réforme constitutionnelle, qui est souhaité déjà depuis un moment par le président. Et donc, les gens vont dire oui ou non sur le renforcement de ces pouvoirs, et donc l'importance moindre qui va être accordée au Parlement. Et on peut encore douter de la représentativité réelle de cette élection, parce que il y a l'opposition, une grande partie de l'opposition est enfermée, ou est en procès, ou en grève de la faim. Celles qui se sont engagées dans une campagne pour le non ont aussi subi de nombreuses répressions, arrestations, licenciements. Ça peut partir de juste une phrase au journal télévisé, ça peut partir de juste une chanson qui est chantée par un groupe dans la rue, et ça peut avoir des conséquences. Pour ceci, on relève rien que ces derniers jours. Par exemple, le 5 avril, il y a eu des arrestations et perquisitions à Adana. 20 maisons qui appartenaient à des gens du Parti Socialiste des Opprimés, qui ont été perquisitionnés. Il y a eu 16 arrestations. À Dersim, il y en a eu 15. À Hatay, avant la venue d'Erdogan, j'ai pas les chiffres, mais il y a eu aussi un nettoyage. Et on a vu aussi un père et sa fille se faire arrêter parce qu'ils écoutaient de la musique kurde. Le 12 avril, il y a eu l'arrestation de 152 personnes à Istanbul et Diyarbakir. Et donc ceci toujours sans compter les opérations dans l'Est, qui aussi font des blessés, qui aussi font des morts, et des personnes en prison qui ne pourront pas forcément s'exprimer sur ce sujet. Du coup, sauf si vous avez des questions, je voulais vite fait parler d'une grève de la faim qui est actuellement entamée par les prisonniers depuis le 15 février. Pour certains, illimités, d'autres par alternance. Par alternance, c'est ils sont organisés pour... Il y a une personne qui fait une grève de la faim pendant une semaine. Ensuite, le moment où elle arrête, l'autre entame, et pour un peu rendre fous les gardiens. Et sinon, en illimité, les personnes, elles commencent la grève de la faim jusqu'à... elles peuvent en mourir. Et donc, il y a 219 détenus à présent dans 27 prisons qui sont dans ces grèves de la faim, plus leur soutien à l'extérieur, dans les communautés kurdes, en Turquie et à l'étranger, à Zurich, par exemple, à Strasbourg. Et donc, ils demandent un terme à l'isolement imposé aux leaders kurdes Öcalan, la fin de la violation des droits et de la torture dans les prisons, les violations des droits pendant l'état d'urgence et le blocus de la guerre contre les villes kurdes. Et donc, d'obtenir ces revendications. Et du coup, voilà, moi j'ai fini, je pense. Et du coup, est-ce que tu... peut-être on peut... Est-ce que tu as des références à donner, par exemple? Enfin, si quelqu'un a des questions, déjà... Non, je sais pas, pour avoir des informations sur ce qui se passe. Par exemple, actuellement, tu parles des prisonniers turcs. Mm-hmm. Si on veut suivre... Petits prisonniers kurdes, voilà, principalement, et voilà, turcs aussi. Est-ce qu'il y a des... Il y a des sites internet qui sont... Où on peut s'informer. Voilà, où on peut s'informer. Il y a kizdistan.net qui a beaucoup, beaucoup d'articles en français. Il a beaucoup aussi de liens sur d'autres blogs où c'est possible d'obtenir des informations, dont le blog d'Étienne Copeau, Suzam Sokak, qui est aussi en français. Il y a un Facebook qui s'appelle Kurdistan au féminin, et elles traduisent pas mal de... Elles traduisent des fois des articles de Gazete Shujin, qui est soit en turc, soit en anglais, ou en kurde. Et donc, elles traduisent des articles de cette... comme aussi Kurdistan, on en retrouve aussi des fois. Et puis, il y a un journal aussi qui s'appelle Merhaba Helvano, qui est aussi possible de trouver sur Internet. Et voilà. Et... Ouais. D'accord. Ben, on te remercie d'être venu à l'antenne, Margot. Merci. De nous avoir présenté la situation en Turquie actuellement. Et je pense qu'on pourrait y revenir d'ailleurs dans des émissions prochaines. Oui, tu voulais rajouter ? Allez, juste sur le centre culturel kurde. Ah oui, tu peux donner l'information. Il y a trois jours. C'était le week-end dernier, je crois, il me semble. Le week-end dernier, le centre culturel kurde qui a été attaqué par... bon, on ne sait pas par qui serait un incendie d'origine criminelle, mais du coup, qui a détruit une bonne partie de leurs locaux. Et c'est pas la première. Il y avait déjà eu aussi à Strasbourg et en Belgique des attaques de nationalistes. Alors si c'est la même chose, bien sûr, on ne sait pas, mais de nationalistes turcs, oui. Notamment en contexte électoral. D'accord. Voilà. Si peut-être un dernier point par rapport à ce que tu viens de décrire un instant. Simplement rappeler aussi qu'il y a eu un accord entre l'Union européenne et la Turquie sur la question des migrants. Et voilà, et que quel que soit de toute façon le résultat de ce qui va se passer là-bas, et si Erdogan obtient les pleins pouvoirs, ça sous-entend aussi que quoi qu'il se passe, en fait, l'Union européenne, par rapport aux tractations actuelles, et voire même une remise en cause du pouvoir turc, regardera de côté et ne donnera pas de protestation officielle sous peine, d'une remise en cause de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie par rapport à la question migratoire. Oui. Ouais. Moi, je peux parler ? Vas-y. Moi, j'avais pas l'impression qu'ils sont prêts. En fait, ça a été déjà plusieurs fois. Ils ont été interpellés là-dessus, sur leur participation aussi à ce qui se passait. Parce qu'en donnant cet argent-là pour bloquer les migrants à la frontière turque, ils donnent de l'argent qui sert aussi à la guerre d'Erdogan. Et ils ne répondent pas là-dessus. Et les seuls. Enfin, et du coup, il y a un peu un paradoxe pas accepter, par exemple, pour certains pays de recevoir Erdogan, mais en même temps, on leur donne de l'argent. Ou en France, ils ont accepté ils ont reçu une délégation, ils ont reçu tout le monde, sauf les gens du HDP. Du coup, il y a complètement une... Il y a complètement une participation à ça. Par exemple, j'ai plus la date en tête, au moment où ils ont supprimé les télévisions et les radios, en France, il y a des canaux qui ont été supprimés, des canaux de chaînes kurdes. Il y a ils appliquent clairement des choses qui sont demandées par le gouvernement turc. Après, à côté de ça, c'est extrêmement tendu, les relations politiques entre... le pouvoir turc et certains pays européens comme l'Allemagne ou plus récemment les Pays-Bas. À côté de ça, c'est complètement annexe parce que ça n'a jamais été remis sur la table, ce financement notamment lié aux flux migratoires. Quoi. Ça, ils n'en recausent pas du tout parce que silence radio. Quoi. Parce que récemment, Erdogan tapait du poing sur la table par rapport à l'accord il a un moyen de pression important, quoi. Il le sait. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ça sous-entend aussi. Bon, ben, je fais ce que je veux et ouais. Chez moi et rien à dire, quoi. Voilà. C'était une petite parenthèse. Oui. On ferait bien une petite pause musicale avant de passer à la suite. Ok. Cool. اسمي دستق السد هنا نرد سيل حرام من الناس قل غلب نروى الخير ظل فارك ورغي خوص ورام بيك ساين تسوي كنسينا غادي وذوب بحر انتساس في سيرير بغليل محمد أكيد يسلكن حذر دايد الدين صريم أقار كان سيديني ودالك السوسونة خليك في الخلوة مسبسي لك فضى رفيقيش تسمقول كان القبلة ذي الكعبة الشريفة مثنيني تسافديش كذا والسمع حسرة همس الكنيسي سيدي الشيخي Bien, on est de retour sur l'antenne du magazine Libertaire. Margot, tu voulais reprendre une dernière fois la parole ? Oui, je voulais juste du coup remercier encore une fois Hélène et puis remercier du coup les personnes qui me l'avaient présenté et aussi les personnes qui du coup m'ont aidé pour des traductions ou des choses comme ça. Voilà. Ok. Eh ben, on va passer à la revue de presse Fautrac du soir. Ah, depuis le temps qu'on nous l'annonçait, notre changement imminent de civilisation. Notre nouveau millénaire, avec son nouvel ordre mondial et son renouveau politique. Les experts sont d'ailleurs unanimes. Le vieux monde est mort. Il en a mis du temps le bougre. On a eu les grandes guerres et ses millions de cadavres, mais comme on dit, ça fait du terreau. C'est bon pour la terre. Ça prépare l'avenir, si si. L'avenir économique, cela va de soi. Puis encore, la guerre froide. C'était rigolo, la guerre froide. Son monde bipolarisé, sa course à l'armement, ses menaces nucléaires. Ça, il paraît que c'est moins bon pour la Terre. Mais bon. Et les abris anti-atomiques. Franchement, qui n'a jamais rêvé de vivre le restant de ses jours enfermé dans un bunker en sirotant des cocktails d'eau déminéralisée. On a eu l'ère post-guerre froide après. Là, on s'est encore bien marré avec la chute de l'URSS et dans la foulée, celle du mur de Berlin. Puis, le tout capitalisme et l'avènement du libre-échangisme mondial. D'ailleurs, les ouvriers des pays en voie de développement en rigolent encore. Et puis, après, qu'est-ce qui pouvait bien arriver après ? Il allait falloir faire preuve d'imagination, c'est sûr. Et ce qui était sûr aussi, donc, c'était qu'on allait rentrer dans une nouvelle ère et que, mais si, ça allait être diablement chouette. Alors, quand Donald Trump a réussi à se faire élire président des États-Unis, que les Anglais ont opté pour le Brexit, qu'un peu avant ça, plusieurs peuples européens votaient non au référendum de la Constitution européenne, et que Michael Vendetta a remporté haut la main la victoire lors de la saison 3 de la ferme célébrité en 2012, comment ne pas y voir un signe de cette nouvelle humanité en marche ? Et puis, patatras. Ces derniers jours, les tensions russo-américaines nous sont venues en pleine gueule, tel le grand boomerang de l'histoire, nous rappelant qu'en fait, même si chacun d'entre nous rêve secrètement chaque soir, dans son lit trop grand et trop froid, de la prochaine sortie de l'iPhone 8, en réalité, nous sommes tous assis sur des milliers de bombes nucléaires qui ne demandent, pauvrettes qu'elles sont, qu'à vivre leur destinée en allant chicoter les voisins d'en face. Catastrophisme ! Crieront les optimistes qui économisent depuis de longs mois dans l'espoir d'être les premiers à pouvoir s'offrir le susmentionné bijou technologique et qui commencent doucement à prendre peur qu'un conflit nucléaire mondial ne vienne contrarier leur projet de domination médiocre de leur prochain. Aussi, diront-ils, qu'on en a vu d'autres jadis. Rappelez-vous la baie des cochons et la crise des missiles en 62. C'était quand même autre chose. Et puis en fait, puit, tout ça s'est dégonflé en moins de temps qu'un enfant pakistanais de 8 ans met à coudre un ballon de foot. Alors pourquoi devrions-nous prendre peur aujourd'hui, franchement ? Mais ce serait oublier que depuis, tout a changé. Hormis la paye du petit ouvrier pakistanais, cela s'entend. Pour le reste, l'équilibre politique mondial a largement évolué. Poutine s'est durablement installé au pouvoir, avec ses fantasmes de renaissance d'un grand empire russe, et Trump, donc, est devenu président des États-Unis par le biais d'une campagne électorale largement axée sur un nationalisme qui n'a rien à envier à son homologue russe. Et alors que l'on pensait que les deux mégalomanes s'accorderaient sur la base de leurs autoritarismes respectifs, et après des mois d'amabilité improbable, voilà que l'idylle a logiquement pris fin ces dernières heures. La faute à un Bachar el-Assad qui aura décidément mal tenu la chandelle diplomatique. Le bombardement à l'arme chimique du village de Khan Sheikhoun, j'espère que je le prononce bien, par le dictateur, étant devenu la goutte de sang de trop pour le gouvernement américain, qui a donc décidé de détruire un camp de base de l'armée syrienne. Une belle preuve d'humanité dont n'avait pas été capable Obama lors de son second mandat. À moins que ça soit par intérêt politique ? Non. Trump serait-il capable, pour s'extirper de ses soucis intérieurs liés à ses connivences avec le Kremlin durant la campagne américaine, de s'affranchir du joug russe par le biais d'une pirouette militaire, engendrant, par la même occasion, ce qui pourrait devenir, qui sait, les futurs livres d'histoire nous le diront, un nouveau grand conflit mondial, troisième du nom ? Dans tous les cas, l'économie va mal. Et on a beau faire semblant de ne pas comprendre pourquoi la croissance mondiale décline depuis maintenant plus de 40 ans, les rouages défaillants sont pourtant bien connus des experts de la discipline. Une bonne grosse guerre nucléaire ne serait-elle pas la solution à tous nos maux ? Donald Trump serait-il le génie économique du XXIe siècle ? Et surtout, qu'est-il advenu de Michael Vendetta, l'inventeur du concept désormais mondialement connu de la bogositude ? Je n'ai malheureusement pas la réponse à toutes ces questions. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'en attendant la relance nucléaire, en France, on n'aura pas tout perdu. Si une fois de plus, on n'a pas de pétrole, nous, au moins, on a Poutou. C'est en tout cas le constat du dernier débat politique opposant les candidats à l'élection présidentielle. La Poutoumania aurait même fait des émules un peu partout dans le monde après ses punchlines, comme ils disent dans les médias mainstream, sur son absence d'immunité ouvrière. Même aux États-Unis, où les électeurs sur les réseaux sociaux commencent à regretter d'avoir mis au pouvoir un Donald Trump finalement pas si drôle en comparaison du candidat du NPA. Heureusement pour eux, les Américains ont la mémoire courte et auront tôt fait d'oublier cet épisode en même temps que qui les gouverne. Ils ne sont pas les seuls à avoir la mémoire courte, mais il faut avouer qu'ils ont un certain niveau tout de même. Comme en atteste le récent déménagement de la maison de Rosa Parks, l'illustre militante, souvent surnommée la mère du mouvement des droits civiques aux USA, est devenue mondialement célèbre après avoir été arrêtée pour avoir refusé de laisser sa place à un blanc dans un bus en 1955. Un artiste allemand vient en effet de faire traverser l'océan à la maison de Rosa Parks pour la reconstruire dans son jardin à Berlin, lui évitant ainsi une destruction définitive. La nièce de la militante avait acquis cette maison il y a peu et avait tenté de la faire restaurer pour en faire un lieu d'action politique en faisant appel aux institutions américaines ou à des personnalités se disant engagées contre les discriminations à l'encontre des Noirs américains. Sans succès. Ça doit être parce que ces discriminations aux États-Unis sont de l'histoire ancienne, bah ouais, puisqu'on vit dans un nouveau monde, logique. À moins qu'en fait, le vieux monde, envoyé à la casse, n'ait été remplacé, non pas par le nouveau, mais par son précédent. Ce qui expliquerait pourquoi en Libye, l'Organisation internationale des migrations vient d'alerter par le biais d'un rapport publié récemment que la traite d'humains avait de nouveaux cours. En effet, les marchés aux esclaves ont fait leur retour au sud de Tripoli, où des migrants venus d'Afrique de l'Ouest seraient vendus entre 200 et 300 euros par des réseaux de passeurs pour, au choix, du travail physique forcé ou de l'exploitation sexuelle. Alors attention, cette info, elle est entre guillemets, parce que les sources qu'on a, eh ben, elles sont pas terribles, alors bon, on ne sait pas. On fait peut-être le jeu de certains enjeux. Autre lieu, autre mœurs, en Tchétchénie, où règne depuis plus d'une décennie un véritable seigneur, Ramzan Kadyrov, le dirigeant autoritaire adoubé par Vladimir Poutine, et qui aurait lancé depuis un mois une opération de répression à l'encontre des homosexuels, avec à la clé arrestations, tortures et meurtres de masse. Des allégations farouchement niées par le pouvoir en place, comme en atteste le porte-parole de Kadyrov, je cite « Vous ne pouvez pas arrêter ou réprimer des gens qui n'existent pas dans la République. L'homosexualité n'existe pas ici. » Et d'ajouter, si ces personnes existaient en Tchétchénie, la loi n'aurait pas à se soucier d'eux, vu que leurs propres parents se seraient déjà occupés définitivement de leur cas. Des propos qui n'ont pas heurté outre mesure dans la grande Russie voisine, où l'homosexualité n'est guère plus tolérée. Jouant toujours son habituel double jeu, Vladimir Poutine appelait avant les Jeux de Sotchi à ce qu'il n'y ait pas de discrimination à l'encontre des homosexuels, tout en interdisant toute manifestation publique homosexuelle par le biais de la loi interdisant toute propagande homosexuelle devant les mineurs. Bah ouais. Lors de son récent voyage en Russie, Marine Le Pen a d'ailleurs rencontré Vitali Milinov, député à la Douma, antisémite et homophobe assumé, à l'origine de la loi susmentionnée, et qui ne se cache pas d'organiser des raids de chasse à l'homme dans les clubs gays de Russie. Un sympathique personnage avec lequel la présidente du Front National posait tout sourire pour un selfie mémorable il y a encore quelques jours. Bah oui, c'est important d'avoir de solides amitiés à l'international quand on truste les premières places dans les intentions de vote à l'élection présidentielle. Mais bon, là, ça devient plus drôle du tout. Ah, ça serait bien l'heure d'une petite sauterie nucléaire, non? Elle part en Russie pour remercier son financeur, c'est ça? Probablement, mais bon, on n'a pas de preuves. On fait une petite pause musicale? Ouais. Ils n'ont pas compris notre politique, n'ont pas bien saisi nos choix stratégiques, sont restés au lit, ça c'est dramatique, sans avoir rempli leur devoir civique. Si on a signé le traité budgétaire, c'est la faute aux abstentionnistes. Si on a offert des milliards aux milliardaires, c'est la faute aux abstentionnistes. Si on chope les roms pendant les sorties scolaires, c'est la faute aux abstentionnistes. Si on laisse tomber la séparation bancaire, c'est la faute aux abstentionnistes. C'est la faute aux abstentionnistes. Leur comportement est irresponsable de tous nos tourments. Ils sont les coupables, se mettent en retrait des gens respectables pour nous mépriser. C'est insupportable. Si dans le bocage César fait de la répression, c'est la faute aux abstentionnistes. S'il y a tant de mamans et de papas rose bonbons, c'est la faute aux abstentionnistes. Si pour Fessenheim faut qu'on réfléchisse d'abord, c'est la faute aux abstentionnistes. Si la PMA, et puis quoi encore, c'est la faute aux abstentionnistes. C'est la faute aux abstentionnistes. Si l'austérité se négocie sous la table, c'est la faute aux abstentionnistes. Si on ne parle plus qu'une noble langue imbitable, c'est la faute aux abstentionnistes. Si ben finalement on augmente la TVA, c'est la faute aux abstentionnistes. Et pour les retraites, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? C'est la faute aux abstentionnistes. C'est la faute aux abstentionnistes. Les enfants gâtés du libéralisme ne veulent plus chanter notre socialisme. Ils préfèrent bouder dans l'idéalisme sans aller voter, comble d'égoïsme. S'il n'y a pas eu de vote extra-communautaire, c'est la faute aux abstentionnistes. Si les vieux rafales font moins l'amour que la guerre, c'est la faute aux abstentionnistes. S'il y a des fraudeurs là-haut dans les ministères, c'est la faute aux abstentionnistes. Si on s'en bat l'œil des chômeurs et des précaires, c'est la faute aux abstentionnistes. C'est la faute aux abstentionnistes. S'il y a de plus en plus de monde qui dort sur le trottoir, c'est la faute aux abstentionnistes. Si les ours blancs n'ont pas encore de nageoires, c'est la faute aux abstentionnistes. Si mon adversaire, ben finalement c'est personne, c'est la faute aux abstentionnistes. S'il y a si peu de gens qui vont voter en Falcon, Oui, donc nous sommes de retour dans l'émission du magazine Libertaire. C'est l'heure des annonces. Alors la première annonce, donc pour continuer sur la politique d'Erdogan, il y a un rassemblement le samedi 15 avril à 14h à La Roche-sur-Yon, un rassemblement de soutien au Rojava contre la politique d'Erdogan et les États-nations. Donc avec à 14h du côté de la Bourse du Travail, une discussion sur la répression en Turquie et au Kurdistan Nord, donc le Bakur, je ne sais pas comment on prononce, et sur la mise en place du confédéralisme démocratique au Rojava. Et à 15h30, un rassemblement au kiosque devant la mairie de La Roche-sur-Yon. Autrement, ça va se passer à Saint-Nazaire, c'est samedi 15 avril, devant le monument de l'abolition de l'esclavage, et ça concerne, et donc c'est donc un hommage organisé par le comité de soutien à Nikos Aslamazidi, pardon pour mon accent. En fait, c'était donc un travailleur grec détaché à Saint-Nazaire qui a travaillé entre 2007 et 2008 au chantier d'Atlantique. Et avec ses petits camarades, en fait, ils ont commencé une grève de la faim parce qu'en fait, ils n'étaient pas payés à raison de 56 et 60 heures par semaine, sans bulletin de paye et avec des menaces. Voilà, et donc suite à leur combat, en fait, ils ont obtenu de gain de cause. Cependant, Nikos, en fait, est décédé après 19 jours de grève en rentrant en Grèce. Voilà, et donc ce comité de soutien tient à lui rendre hommage et termine par ces trois petites choses. Donc, ces travailleurs français et étrangers solidaires contre l'esclavage moderne. Donc voilà, et c'est pour la défense de leurs droits et de leur dignité, contre la mise en concurrence des travailleurs entre eux, contre le dumping social qui sévit partout en Europe et tire tout le monde vers le bas. Voilà, donc ça c'est le comité de soutien de Léonidas. Voilà, autrement il y a un texte un peu long derrière mais qui est disponible sur internet. Moi, je vais vous lire une petite série d'appels qui nous provient de la ZAD. Prochaine balade de plantes sauvages sur la ZAD, le samedi 15 avril à 15h, rendez-vous à la Boissière. Il est possible de garer quelques voitures à côté du chemin d'exploitation au nord du carrefour. Désherbage et paillage au verger, ça se passe le dimanche 16 avril à 14h. L'entrée du champ après le moulin de Roanne, direction de Vigneux. C'est mieux d'amener des outils à main, des crocs, des houes, des faucilles, etc. Un chantier collectif au jardin médicinal, donc ça c'est le groupe jardin médicinal qui invite à une journée de chantier collectif le 20 avril de 10h à 17h30. Le printemps est bien parti, on essaye de le rattraper, on va faire des plantations, des semis, des herbages, retourner la terre, etc. C'est aussi l'occasion de venir admirer notre magnifique nouvelle cabane. Le midi on mange ensemble, nous préférons des chiens et des enfants qui savent ne pas marcher sur les buttes ou déterrer les plantes. Voilà, rendez-vous dans le champ du rouge et noir. Et dernière annonce pour la ZAD, c'est Journée mondiale des luttes paysannes. Le lundi 17 avril, à l'occasion de la Journée mondiale des luttes paysannes, Copain 44 invite à une journée conviviale autour des fermes de Bellevue et de Saint-Jean-du-Tertre. Voilà. Alors, il y a une mobilisation internationale à la frontière franco-italienne. Le week-end s'intitule « Le problème, c'est la frontière ». Donc, c'est un week-end de mobilisation les 15 et 16 avril 2017 pour soutenir les personnes migrantes et dénoncer la situation de traque et de répression à la frontière franco-italienne. Ce projet est né d'une commission autogérée issue de la coordination Réseau Migrants Sud-Est qui regroupe des personnes qui résident à Grenoble, Martial, Gap, dans la Roya, les Cévennes, les Alpes de Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes et plusieurs régions d'Italie. Partout en Europe et à ses frontières internes et externes, les migrants et migrantes se heurtent aux dispositifs militaro-policiers des États qui contrôlent, enferment, violentent et expulsent celles et ceux qui tenteraient de traverser leur territoire ou de s'y installer. Donc il y a un appel à mobilisation internationale, donc le 15 et 16 avril, je disais. Alors c'est pour visibiliser la situation à la frontière franco-italienne et ses alentours, s'organiser ensemble, quel que soit notre statut administratif, pour dénoncer et combattre la répression généralisée, échanger autour des différentes réalités et stratégies de lutte, selon nos territoires et nos situations concrètes, prendre le temps de la rencontre dans la perspective d'actions communes pour briser l'Europe forteresse. Donc vous pouvez retrouver le programme donc de ce week-end sur mobilisationinternationale2017.noblog.org et le texte complet aussi que j'ai pas lu entièrement. Et la programmation et ce texte sont régulièrement mis à jour et sont traduites en 5 langues, donc en français, en arabe, en italien, en anglais et en allemand. Pardon. Autrement, toujours du côté de Saint-Nazaire, ça va se passer le vendredi 21 avril à 20h30 au cinéma Jacques Tati, du côté de l'Agora. Donc c'est la projection d'un film qui s'appelle Les Sentinelles. Et donc c'est donc une avant-première avec le réalisateur qui s'appelle Pierre Pesera, et ça cause des risques sanitaires dans le monde du travail et des résistances de salariés par rapport à ça. Et quand on parle de questions sanitaires, ça sous-entend l'amiante, les pesticides et les radiations, par exemple. Voilà, et donc ça c'est le 21 avril à 20h30 pour ne plus perdre sa vie à la gagner. Et c'est organisé par un collectif de riverains, mais en pinouette, voilà. Ok, moi j'ai un rendez-vous le mercredi 19 avril à 20h30 à la Wardine pour une AG intercomposante d'organisation du cortège anti-aéroport lors de la manif du 1er mai. Voilà, c'est un atelier de banderole, cantine, tracteur remorque, sono, danse collective, etc. Vous pourrez trouver d'autres infos sur les sites habituels. Et alors, la dernière annonce, parce qu'il est bientôt 22h, ça s'intitule « Les opposants à Notre-Dame-des-Landes et les médias ». C'est lundi 17 avril à 20h à la maison de quartier de Lille, rue Conan-Mériadec. Et c'est une rencontre organisée par Acrimed, donc l'association critique média. Et vous pouvez retrouver l'annonce complète sur nantes.indymedia.org.